Chapitre 6e. Il régna pendant les 5 premières minutes un silence de mort. Monsieur Watkins Tuttle pensait à son entrée en matière. Miss Lillerton semblait ne penser à rien. Le feu tombait. Tuttle le ranima et mit du charbon dessus. Fit Miss Lillerton. Monsieur Watkins crut que la belle créature avait parlé. Je vous demande pardon, vous disiez. Et je croyais que vous aviez parlé. Non pas. Oh. Au bout de 5 nouvelles minutes, « Il y a des livres sur le canapé, monsieur Tuttle. Vous pourriez les parcourir ?»« Mille grâces, » répondit-il, puis l'ajouta avec un courage dont il fut le premier surpris. « Madame, ou plutôt mademoiselle Lillerton, je désirais vous parler. »« À moi ?» s'écria Miss Lillerton, dont l'ouvrage glissa à terre et qui recula sa chaise de quelques pas. « Parler, à moi ?»« À vous, madame, et relativement à l'état de vos affections. » Miss Lillerton ne fit qu'un bond et eût certainement quitté le salon si M. Watkins ne l'eût doucement retenue par la main. La tenant ainsi à distance, autant que le permettait la double longueur de leurs bras, il continua. « Ne vous méprenez pas sur mes sentiments, je vous en prie. Surtout, ne croyez pas, si je suis entraîné à vous parler ainsi après d'aussi courtes relations, que je puise mon courage dans la confiance que m'inspirent mes mérites. Des mérites. Je n'en ai aucun qui puisse m'autoriser à aspirer à votre main. » J'espère que vous m'absoudrez de toute présomption quand je vous aurai expliqué que j'ai appris par Mrs. Parsons l'état, c'est-à-dire que Mrs. Parsons m'a dit, ou plutôt pas Mrs. Parsons, mais... » Ici, M. Watkins Tuttle commença à s'égarer, Miss Lillerton vint à son secours. « Dois-je comprendre, M. Tuttle, que Mrs. Parsons vous a révélé mes sentiments, mon affection, je veux dire, mon respect pour une personne de l'autre sexe ?»« En effet. » « Mais alors ?» demanda Miss Lillerton, détournant la tête avec une confusion toute enfantine. « Quel motif a pu vous décider à rechercher une entrevue comme celle-ci ? Que pouvez-vous avoir à me dire ? Comment puis-je augmenter votre bonheur, Monsieur Tuttle ?» L'heure des fleurs de rhétorique était venue. « En me permettant, » répondit Watkins, qui tomba à genoux comme une masse, et fit sauter 2 boutons de bretelles et 1 cordon de caleçon, « en me permettant d'être votre serviteur, votre esclave, » en me faisant, sans réserve, le confident des sentiments que renferme votre cœur, puis-je le dire, pour l'accroissement de votre bonheur, puis-je ajouter, enfin, pour que vous deveniez l'épouse d'un époux affectueux et tendre. « Oh, créature désintéressée !» s'écria Miss Lillerton en cachant son visage dans les plis d'un mouchoir de poche qu'encadrait un ourlet à jour. M. Watkins se dit que si la dame savait le fond des choses, il se pourrait faire qu'elle changeât d'opinion sur ce dernier point. Il approcha cérémonieusement de ses lèvres l'extrémité de son petit doigt et se releva aussi gracieusement qu'il le put. « Mes informations étaient donc exactes ? » demanda-t-il en tremblant lorsqu'il fut de nouveau sur ses pieds. « Elle l'était. » Watkins leva la main et regarda la rosace qui ornait le centre du plafond dans le but d'exprimer tout son ravissement. « Notre situation, Monsieur Tuttle, » reprit la dame lui jetant un regard à travers un des jours de son mouchoir de poche, « notre situation est des plus particulières et des plus délicates. » »« En effet. » »« Nous nous connaissons depuis si peu de temps. » »« 1 semaine, à peine. » »« Oh, plus que cela, » répliqua la dame d'un ton de surprise. « Vraiment ? Plus d'un mois, plus de 2 mois ?»« Étrange, ceci, » pensa Watkins, mais se rappelant l'assurance que lui avait donnée Parsons que Miss Lillerton le connaissait depuis longtemps de réputation. « En effet, je vous comprends, chère madame, et je vous prie, de considérer que plus ces relations ont duré, moins vous auriez de raison de tarder à prendre un parti. Pourquoi ne pas fixer de suite l'époque à laquelle vous comblerez les vœux de votre admirateur dévoué ? On m'a répété tant et tant que tel était en effet le parti que je devais prendre. Mais vous apprécierez mes sentiments de délicatesse, monsieur Tuttle. Excusez, je vous en prie, ma confusion. J'ai sur ces matières des idées toutes particulières. Je sens que je n'aurai jamais le courage de désigner à mon futur époux le jour de notre union. « Veuillez alors me permettre de faire ce choix, » reprit Tuttle avec anxiété. « Je voudrais le fixer moi-même, » répondit Miss Lillerton en rugissant, « mais il m'est impossible de le faire avant d'avoir pris l'avis d'un tiers. »« Un tiers ?» pensa Watkins Tuttle. « Qui diable cela peut-il être ?»« Monsieur Tuttle, » continua Mrs. Lillerton, « vous m'avez fait une offre on ne peut plus gracieuse et désintéressée. Cette offre, je l'accepte. Voulez-vous bien vous charger d'une lettre de moi pour M. Timson ? Monsieur Timson. Après ce qui s'est passé entre nous, répondit Miss Lillerton en détournant de nouveau la tête, vous devez comprendre de qui je veux parler. Monsieur Timson, le pasteur. Monsieur Timson, le pasteur, articula Watkins Tuttle dans un état d'inexprimable béatitude, ébloui par sa victoire. Ange, oh, certainement, et tout de suite. Je vais préparer ce billet, dit Miss Lillerton en se dirigeant vers la porte. Les événements de ce jour m'ont si fort ému, Monsieur Tuttle, que je resterai ce soir dans ma chambre, pour remettre à ma lettre. Restez, restez, cria Monsieur Tuttle, toujours à une respectueuse distance. Quand nous reverrons-nous, oh, Monsieur Tuttle, répondit en mine de dents Miss Lillerton, quand nous serons mariés, je ne pourrai jamais vous voir ni vous remercier assez. Il quitta la chambre. Monsieur Watkins Tuttle se laissa tomber dans un fauteuil et s'y abandonna aux plus douces rêveries. Le souvenir des 500 livres sterling de rente, avec pouvoir absolu d'en disposer, soit par dernière volonté, soit par testament, était d'une façon ou d'une autre le plus fêté. Il avait si parfaitement mené les choses, l'entrevue s'était si admirablement terminée, qu'il regretta quelque peu de n'avoir pas stipulé d'une façon expresse que ladite rente de 500 livres lui serait constituée par contrat. « Puis-je entrer ?» demanda M. Gabriel Parsons, passant la tête par la porte, entrebâillée. « Vous le pouvez. »« Eh bien, avez-vous traité l'affaire ?»« Si je l'ai traité, chut, je vais aller chez le pasteur. »« Pas possible. Comment vous avez mené cela ?»« Où demeure ce Timson ?»« Chez son oncle, de l'autre côté de la pelouse. Il est en quête d'une situation. Aussi, durant ces deux ou trois derniers mois, est-il venu ici aider son parent ?»« Mais comme vous vous y êtes bien pris ?» Je n'en reviens pas que vous ayez pu en venir à bout de la sorte. M. Watkins Tuttle était en train de démontrer que les principes de Richardson étaient les plus efficaces pour mener à bien les campagnes amoureuses lorsqu'il fut interrompu par l'entrée de Marthe qui lui remit un petit billet rose gracieusement plié en forme de tricorne. « Avec les compliments de Miss Lillerton, » dit Marthe, et elle disparut. « Quelle délicatesse ! En avez-vous fait la remarque ?» dit Tuttle, prenant Gabriel Parsons à témoin. Tous ses compliments, au lieu de toute cette tendresse, parce que c'est une servante qui lui sert d'intermédiaire, et... M. Gabriel Parsons, qui ne savait pas exactement quelle réponse faire, frappa malicieusement son ami du bout du quatrième doigt de sa main droite, entre la troisième et la quatrième côte. « Venez, » dit Watkins, quand l'explosion de gaieté que détermina ce badinage fut apaisée. « Les choses vont aller bon train, ne perdons pas de temps. »« Parfait. » s'écria Gabriel Parsons. Ils arrivèrent 5 minutes après devant la grille de la villa occupée par l'oncle de M. Timson. « M. Charles Timson est-il chez lui ?» demanda M. Watkins Tuttle. « M. Charles est bien à la maison, » répondit le serviteur en balbutiant, « mais il m'a recommandé de dire qu'il ne voulait être dérangé par aucun de ses paroissiens. »« Je ne suis pas de la paroisse, » répliqua Watkins. « Monsieur Charles écrit sans doute quelques sermons, Tom ?» demanda Parsons en le poussant pour entrer. « Non, monsieur Parsons, non. Il n'écrit pas précisément un sermon, mais il étudie le violoncelle dans sa chambre à coucher. Il a donné l'ordre formel de ne pas le troubler. « Dites que je suis ici, » reprit Gabriel, entrant résolument dans le jardin avec monsieur Tuttle, « pour affaires privées et particulières. » Après avoir introduit les visiteurs dans la salle basse, le domestique monta. Les sanglots éloignés du violoncelle cessèrent. Des pas retentirent dans l'escalier. M. Timson entra et donna à M. Parsons une cordiale poignée de main. « Comment vous portez-vous, monsieur ?» dit Watkins Tuttle avec solennité. « Comment vous portez-vous, monsieur ?» répondit Timson avec autant de froideur que s'il eût été parfaitement indifférent que son hôte se porta bien ou se porta mal, ce qui d'ailleurs devait être son sentiment. « Permettez-moi de vous remettre ce billet. » dit Watkins Tuttle en exhibant le petit billet à trois cornes. « De Miss Lillerton ?» s'écria Timson, qui changea subitement de couleur. « Prenez donc la peine de vous asseoir, je vous prie. » M. Watkins Tuttle s'assit en effet, et tandis que le pasteur parcourait la lettre, il prit plaisir à regarder un portrait de l'archevêque de Canterbury, couleur sauce aux huîtres, qui pendait au-dessus de la cheminée. Sa lecture une fois terminée, M. Timson se leva et regardant avec incertitude M. Parsons, « Puis-je savoir, » demanda-t-il, s'adressant à Watkins Tuttle, « si notre ami ici présent est informé de l'objet de votre visite ?»« Notre ami est dans ma confidence, » répondit Watkins avec emphase. « Alors, monsieur, » dit Timson, saisissant les deux mains de Tuttle, « permettez-moi de vous remercier en sa présence, sincèrement et cordialement, de la noble part que vous avez prise à cette affaire. »« Il croit que je l'ai recommandé, » pensa Tuttle. « Que le diable confonde ces gens-là. Ils n'ont jamais que leurs honoraires en tête. » « Je regrette profondément d'avoir mal apprécié vos intentions, mon cher monsieur, » continua Timson. « Vous vous êtes vraiment conduit en homme désintéressé, en homme de cœur. Peu de gens eussent agi comme vous l'avez fait. » Monsieur Watkins Tuttle ne put s'empêcher de penser que cette dernière remarque n'était rien moins que gracieuse. Il s'empressa donc de demander « Quand cela doit-il se faire ?»« Jeudi matin, à 8h30. »« Voilà qui est bien matinal. » fit observer Watkins Tuttle avec un air d'abnégation triomphante. « J'aurai quelque peine à arriver ici, de bonne heure. » Ceci fut pris pour une bonne plaisanterie. « Qu'à cela ne tienne, mon cher garçon, » répliqua Timson, de plus en plus suave, secouant à tour de bras les deux mains de Tuttle. « L'important est que vous assistiez au déjeuner. Vous dites ?» demanda Parsons, dont le visage prit aussitôt une des expressions les plus bizarres que se fût jamais vue sur une face humaine. « Comment ?» s'écria en même temps Watkins Tuttle. « Je dis que pourvu que nous vous voyons à l'heure du déjeuner, nous excuserons votre absence. Il va sans dire toutefois que votre présence à la cérémonie nous fera le plus grand plaisir. » M. Watkins Tuttle chancela jusqu'au mur et fixa les yeux sur Timson avec une persistance effrayante. « Timson, pour l'amour de Dieu !» dit Parsons ahuri. « Quand vous dites « nous », de qui parlez-vous » Le pasteur avait l'air hébété à son tour lorsqu'il répondit « « Eh bien, je parle de celle qui sera aujourd'hui en 8, Mrs. Timson, et qui est aujourd'hui encore Miss Lillerton. » Au lieu de dévisager cet idiot qui se tient là-bas dans le coin, » ajouta Parsons furieux, désignant Watkins Tuttle dont le visage contracté et les mouvements convulsifs excitaient l'étonnement de Timson, « ayez la bonté de me dire en trois mots le contenu de cette lettre. »« Cette lettre, » répondit le pasteur, « est de Miss Lillerton, avec laquelle je suis régulièrement fiancé depuis 5 semaines. » Ses singuliers scrupules, sa manière de voir un peu étrange sur quelques points, ont retardé jusqu'à ce moment la réalisation que j'ai tant désirée de l'engagement que nous avons contracté. Elle m'informe qu'elle a sondé Mrs. Parsons en vue de faire d'elle sa confidente et sa médiatrice, que votre femme a mis ce vieux gentleman au courant de tout et qu'il a bien voulu, dans les termes les plus délicats et les plus affectueux, offrir de nous venir en aide. Il a poussé l'obligeance jusqu'à se charger de cette lettre qui contient la promesse que j'ai longtemps sollicitée en vain. C'est là un acte de courtoisie dont je ne serai jamais suffisamment reconnaissant. « Bonsoir, Timson, » dit Parsons, qui se rua dehors, entraînant Tuttle effaré. « Restez donc et acceptez quelque chose. »« Non, merci, en voilà assez comme cela. » Il s'en alla, suivi de Watkins Tuttle, stupéfait. Monsieur Gabriel Parsons siffla jusqu'à ce qu'il eût dépassé la porte de sa maison d'un quart de mille. Alors il se retourna brusquement et dit « Vous êtes un garçon intelligent, Tuttle, qu'en dites-vous » « Je ne sais pas, » répondit l'infortuné. « Vous allez probablement me dire que tout cela est la faute de Fanny, n'est-ce pas ?»« Je n'y comprends absolument rien, » répondit Tuttle de plus en plus égaré. « Eh bien, » dit Parsons, tournant les talons pour entrer chez lui, « la prochaine fois que vous ferez une demande, je vous engage à parler clairement et à ne pas gaspiller la chance que vous l'avez fait. » La prochaine fois aussi qu'on vous mettra sous clé dans une étrie, attendez-vous tranquillement que je vienne vous en retirer. Ne voilà-t-il pas un gentil garçon ? Comment et à quelle heure M. Watkins Tuttle retourna à Cecil Street, personne n'en sait rien. On vit ses bottes à la porte de sa chambre à coucher le lendemain matin. Mais le témoignage de son hôtesse nous permit d'établir que pendant 24 heures, il n'est pas sorti et a refusé toute nourriture. Au bout de ce temps, pendant qu'un conseil de guerre débattait dans la cuisine l'opportunité de sommer le bedeau de la paroisse, de venir briser sa porte, il sonna et demanda une tasse de lait coupée d'eau. Le lendemain, il mangea et but comme d'habitude, mais la semaine suivante, ayant parcouru dans un journal du matin la liste des mariages, il subit une rechute dont il ne se releva jamais parfaitement. Quelques semaines plus tard, le corps d'un inconnu fut retiré du Regent Canal. Dans les poches de son pantalon, on trouva 4 shillings, 3 pence et 1/2 penny. Un avis de mariage coupé dans un journal du dimanche, un cure-dent et un porte-carte de visite, grâce auquel on avait espéré constater l'identité de l'infortuné gentleman, mais qui ne contenait par malheur que des cartes blanches. M. Watkins Tuttle s'était absenté peu de temps avant. Un billet à ordre, présenté chez lui le lendemain matin, fut protesté. Un billet de faire-part, collé quelques jours après à la vitre de la salle basse, témoigna que la mort, mieux partagée, avait réclamé et reçu le montant de sa dette. Ainsi s'achève un épisode de la vie de M. Watkins Tuttle par Charles Dickens.